Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Je veux parler à un couple qui attend l'enfantement. Ne baissez pas les mains. Les gens se moquent de vous. Les gens disent, ils prient Dieu, ils donnent leurs offrandes, Dieu ne fait rien. Laisse-moi vous dire, le Seigneur a déjà écouté la prière. Bientôt vous témoignerez. Et ceux qui se moquent de vous seront dans la confusion. Vous bénirez le nom du Seigneur et vous présenterez ce bébé en disant, voici le bébé que Dieu nous a accordé parce que nous prions avec OSB et nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton épouse, réveille ta femme. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission OSB. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 32. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Nous allons lire le psaume 32, 1 à 11. De David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux t'ait pris au temps convenable. Si des grandes eaux débordent, elles l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Il y a quatre vérités qui ressortent de ce psaume. Voici la première vérité. La confession de nos péchés procure la joie et la paix intérieure. Lorsque tu as commis un péché, ne sois pas étonné que tu sois troublé. Je parle à quelqu'un. Tu dis, je n'arrive même plus à prier, je ne comprends plus, je suis troublé, je n'ai même plus l'assurance quand je prie si Dieu m'écoute. Souvent, c'est le péché qui fait ça. Quand tu as commis un péché, tu as gardé rancune contre quelqu'un, vous êtes chamaillé, ça fait longtemps, ça fait plus de 2 semaines que ton mari et toi, vous êtes chamaillé et tu ne lui parles même pas, tu ne lui adresses même pas la parole. Quand tu prépares la nourriture, tu demandes à la servante de servir et ne t'étonne pas, c'est que tu sois troublé. Lorsqu'on garde un péché qu'on n'a pas confessé, ça entraîne beaucoup de perturbations, tu vas manquer la joie. Mais par contre, lorsque tu vas confesser ton péché, tu vas sentir que tu es déchargé, tu vas trouver ta joie. David a écrit ce psaume justement quand il a expérimenté la joie de la confession. Il a confessé son péché d'adultère. Donc ce psaume est en rapport avec un autre psaume 51 qui montre comment David était tombé dans le péché d'adultère avec la femme d'Uri qui s'appelait Bathsheba. Mais il a confessé son péché. Ce psaume donc nous montre que David a retrouvé la joie. David utilise 3 mots pour désigner son péché. Il parle de péché, de transgression et d'iniquité. La confession de son péché a eu pour résultat le pardon, la remise du péché et non l'imputation de ses fautes. La confession des péchés, c'est la reconnaissance de ses péchés devant Dieu. Il y a des gens, quand tu as péché. Tu ne cherches pas à te justifier, non. Seigneur, ce n'est pas de ma faute. C'est comme je n'avais pas d'argent, comme c'était pendant la crise. C'est pourquoi je suis sorti avec ce monsieur. C'est pourquoi j'ai volé. Non, ce n'est pas ça la confession. Tu reconnais, Seigneur, je fautais, je volais, je me suis énervé, j'ai commis l'impudicité. C'est ça la confession. David n'a pas cherché à se justifier devant Dieu, mais il a plutôt reconnu son péché. C'est pourquoi il utilise trois verbes forts au verset 5. Il dit, je t'ai fait connaître, je n'ai pas caché, j'ai avoué. Vous voyez, c'est ça l'esprit de la confession. Le verset 3, il dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Et il ajoute au verset 5, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions. Je vais parler à quelqu'un. Tu as des problèmes d'envoûtement, tu cherches la délivrance. Mais laisse-moi te dire, ton problème c'est quoi? Quand tu vas voir les hommes de Dieu, tu ne dis pas tout, tu caches les choses que tu as faites. Lorsque par exemple tu as été initié à la sorcellerie, tu as été initié dans le mysticisme, lorsque tu as pratiqué les avortements, mais il faut tout dire, lorsque tu caches un seul péché, le diable, les démons, ils se cachent là. Et c'est difficile pour toi d'avoir la délivrance, tu ne dois pas cacher. David dit, je n'ai pas caché, j'avouerai, tu ne dois rien cacher. Lorsque nous confessons sincèrement nos péchés à Dieu, comme l'a fait David, il pardonne nos péchés. David dit que Dieu efface la peine de son péché. Dans la Bible de Sommaire, il est dit, « Tu m'as déchargé du poids de ma faute. » Lorsqu'on est déchargé d'un poids, on éprouve un soulagement. Les péchés pèsent. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde, nous dit Proverbe 28, verset 13. Si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. C'est ici le lieu de faire remarquer la différence entre David et Saül. Tous deux ont péché, mais Saül a cherché à dissimuler son péché, à se justifier, mais tandis que David l'a reconnu. Deuxième vérité, le péché non confessé peut entraîner des maladies psychosomatiques. Il y a quelqu'un qui m'entend maintenant. Le problème dont tu souffres là, le problème de maux de ventre, tu sens souvent comme si tu veux rendre les choses qui sont bloquées au niveau de ta gorge. Le problème dont tu souffres, mon ami, le problème de dos, toi qui es marié, qui ne finissent point, il faut bien t'examiner. Ça peut être basé, causé par un péché d'infidélité. Tant que tu n'auras pas avoué, confessé cela, c'est difficile que tu sois guéri. David montre dans ce psaume que tant qu'il n'avait pas confessé son péché d'adultère, il se sentait mal au point dans son corps. C'est pourquoi il dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. C'est ça le verset 3. Ça montre que le péché a des répercussions sur la santé, sur le corps, sur la vigueur. Il est possible que certaines maladies dont nous souffrons, telles que les douleurs gastriques, la colopathie, la migraine, la dyspnée, l'hypertension artérielle, etc., soient la conséquence de certains péchés non confessés. Jacques nous encourage de confesser nos péchés afin de recevoir le pardon et la guérison. C'est pourquoi dans Jacques 5, verset 16, il est dit « Confessez les péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » C'est pourquoi certaines maladies qui sont la cause du péché ou la conséquence du péché, il faut les confesser devant un homme de Dieu pour qu'on puisse prier pour toi. C'est comme ça qu'il faut comprendre Jacques 5, 16. Vous voyez, il y a des péchés, parfois tu confesses seul, il n'y a pas de problème, Dieu te pardonne. Mais quand c'est un problème de maladie et que ce péché a ouvert la porte au démon, au diable, il faut le confesser devant un homme de Dieu, une servante de Dieu, pour qu'on puisse prier pour toi. 3. Cherchons l'instruction et les conseils auprès de Dieu. Lorsque nous succombons dans la tentation, nous devons tirer toutes les leçons pour ne plus y retomber. C'est pour cette raison que nous avons besoin de l'aide divine pour recevoir de lui l'instruction et les conseils qui nous aideront dans notre marche chrétienne. Il nous fait cette promesse, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Verset 8. Il utilise souvent sa parole pour nous instruire et nous conseiller. C'est l'un des rôles de l'écriture. Toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour instruire, convaincre dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est pourquoi nous devons nous laisser conduire par la parole de Dieu pour que nous soyons instruits. Dieu veut nous instruire. Si nous voulons recevoir l'instruction, donc, nous devons méditer régulièrement sa parole. Quatrième et dernière vérité, confions-nous en l'Éternel et il nous accordera ses faveurs. Le mot hébreu est sed, qui est traduit dans Louis II par grâce, peut être traduit aussi par bienveillance, bonté, faveur. David affirme que celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce, de hesed, ou de sa faveur, ou de sa bonté, tandis que les méchants ont pour part la douleur, au verset 10. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, nous dit Hébreux 1, verset 6. Nous avons besoin de cette confiance pour jouir de ses faveurs. Donc, nous devons nous confier en l'Éternel. Tu ne peux pas avoir la faveur de Dieu si toi-même, tu n'as même pas confiance en Dieu. Si tu commences à douter des promesses de Dieu, tu dois te confier en lui et tu vas jouir de son essai, de sa bonté, de sa faveur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons le célébrer. Chantons ce cantique. Merci d'un cœur reconnaissant, merci ô Seigneur trois fois saint, merci car il a donné Jésus-Christ son fils. Merci d'un cœur reconnaissant, merci ô Seigneur, trois fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le pauvre dit, je suis riche, le faible dit, je suis fort, car Dieu a fait des grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait des grandes choses. Reconnaissant, merci, ô Seigneur, trois fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant, merci, ô Seigneur, trois fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait des grandes choses. choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait des grandes choses. Alléluia, il est digne de louange, il est digne d'être loué, d'être célébré, d'être adoré. Je vais demander à quelqu'un qui m'entend maintenant, tu vas élever ta voix, tu vas élever tes mains, commence à dire merci au Seigneur, commence à le bénir pour sa bonté, pour sa faveur. Amen. C'est votre serviteur microphone, Révérend Dédoné Ngoumbi, et toute l'équipe OSB qui vous salue. Oui, nous encourageons tous ceux qui reçoivent OSB par WhatsApp. Oui, et qui veulent recevoir par WhatsApp, vous pouvez nous faire communiquer votre contact et partager OSB avec le plus grand nombre de personnes possible. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. Oui, nous rappelons que l'Emmanuel... Priez avec les psaumes, où vous pouvez entrer dans la profondeur de cette série. Des psaumes sont disponibles à Fréquence Vie, vous pouvez vous en procurer. Nous sommes jusqu'au 6e volume. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 32. Nous allons prier le Seigneur. Chacun va confesser à l'Éternel son péché. Si ce matin... tu te rends compte qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore confessé. Il y a un péché caché. Il y a quelque chose que tu as fait. Le Saint-Esprit t'a dit, tu dois non seulement confesser à Dieu, mais confesser à ton mari, à ta femme. Confesser à ton pasteur. Prie, demande pardon à Dieu. Et demande-lui la force de pouvoir réellement confesser cela. Pour que tu sois déchargé, libéré. Prions le Seigneur. Ce matin, nous te bénissons. Ce matin, nous te rendons grâce. Ce matin, nous élevons ton Saint-Nom. Toi qui es le Dieu au-dessus de tous les autres dieux, à la mention du nom de ton Fils Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Père, nous nous tournons vers toi ce matin et nous te demandons pardon pour tout péché que nous avons commis et que nous n'avons pas confessé. Nous nous identifions avec nos frères et sœurs et nous demandons, Père éternel, pardonne-nous pour toutes ces transgressions, pour toutes ces iniquités. Aie pitié de nous, ô Père éternel. Ta parole déclare que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Purifie-nous, ô Père éternel, de toute forme d'iniquité et lave-nous, ô Père, par le sang de ton Fils, afin que nous soyons blancs comme la neige. Nous voulons contribuer à l'avancement de ton œuvre. Ne fais pas, ô Père éternel, que les péchés constituent un obstacle à notre avancée. Nous avons mis notre foi en toi. Nous avons mis notre confiance en toi. C'est pourquoi nous te disons merci, parce que nous avons cette assurance que nos péchés sont pardonnés et nos transgressions sont effacées. Et nous prenons l'engagement de ne pas retourner vers nos vomissures. Merci Père, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions. C'est une joie pour nous de témoigner que tu nous as tant aimés, que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir pour nous. Préserve-nous contre toute forme de péché. Préserve-nous contre toute forme d'iniquité et renforce-nous à tous égards, parce que nous avons mis notre confiance et notre assurance en toi, une assurance vivante. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui souffrent de certaines maladies ou de certains maux, de certains blocages qui sont dus au péché qu'ils ont commis, afin que le Seigneur les visite, que le Seigneur les guérisse et que réellement ceux-là qui veulent prendre l'engagement d'aller partager avec un homme de Dieu qui les fasse. Je vais dire à tous ceux qui ont de tels problèmes, allez consulter vos pasteurs, allez confesser, demandez-leur de prier pour vous. Vous avez aussi la possibilité de venir nous voir ici à la radio Fréquence Vie et nous pouvons vous aider. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom, notre Dieu, notre Père. Nous avons la vie, et la vie que tu nous donnes, c'est pour toute l'éternité. Au nom de Jésus de Nazareth. Mais ton peuple périt par manque de connaissance. Aujourd'hui, nous subissons les conséquences de nos actes à cause du péché, de la désobéissance, de l'orgueil, de toutes ces choses, l'état de la vie. Notre vie est menacée aujourd'hui. Nous avons ouvert une faille qui a permis au diable de pénétrer nos vies, de détruire nos vies. Nous crions vers toi ce matin. Nous t'en supplions, nous t'implorons, nous gémissons. Seigneur, nous voulons nous repentir. Nous regrettons sincèrement les actes posés. Nous t'en supplions, aide-nous à aller voir notre pasteur ou à venir à la radio pour vraiment confesser nos péchés, à être accompagné, à être suivi, à voir notre Dieu, notre Père, la délivrance. Nous t'en supplions ce matin, nous lançons cet appel à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui ont une vie de non-accomplissement. Une vie, ô Dieu, de blocage. Que ta grâce les visite, Seigneur. Merci pour ta grâce, ta faveur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons demander à Dieu pour qu'il puisse nous instruire et qu'il puisse nous enseigner dans nos difficultés et surtout lorsque nous avons des décisions à prendre. Oui, lorsque tu veux prendre une décision, tu as besoin de la direction divine. Nous allons prier que chacun dise, Seigneur, instruis-moi, montre-moi la direction que je dois prendre. Montre-moi la direction en tant que ton serviteur, en tant que directeur d'entreprise, en tant que mari, en tant que femme, en tant que père de famille. Instruis-moi, montre-moi la voie à suivre. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Exalté sois-tu, le vrai Dieu, le ressuscité, l'alpha et l'oméga, le premier-né de toute la création, le Dieu qui nous donne des instructions et qui veut que nous marchions selon ses instructions. Tu es le Dieu qui oriente, qui dirige, tu es le Dieu qui planifie nos chemins. Nous ne voulons point être égarés, nous ne voulons point être dans le désordre, nous ne voulons point être dans les pleurs des mains. C'est pour cela, ce matin, nous crions à toi, nos yeux sont sur toi, nous nous reposons en toi, nous espérons en toi, pour que la direction nous soit donnée dans le choix à faire. C'est pour cela, Père, ce matin, nous crions à toi pour cette sœur qui est visitée par deux frères et qui ne sait que faire. Père, donne-lui de prier et de prendre le pas à suivre comme toi tu le veux. Toi qui connais l'autre lendemain, merci pour cet homme que tu accordes la direction divine pour le choix de ses employés, pour le choix de ses personnes proches avec qui il va travailler. Et même en cette fin de saison, nous avons besoin de direction divine. Là où nous devrons être, ce que nous devrons faire, partout où nous serons, nous avons besoin que tu nous orientes, que tu sois avec nous, pour que nos pas soient tes pas, pour que notre chemin soit ton chemin, pour que notre avenir soit ce que tu as désiré pour nous par le canal et les voies que nous empruntons. Nous t'exaltons parce que tu ne vas pas nous laisser dans le désordre, dans les ténèbres. Merci pour ta lumière qui illumine quelqu'un, qui illumine quelqu'un, qui guérit et qui nous donne d'aller dans notre prochain niveau à cause de nos choix inspirés et guidés par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. La puissance par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange.